noches, espero que todo se pase bien con el día. Nos encontramos otra vez el jueves en la noche para una sesión de una hora y media, como casi todos los jueves. Espero que todo se pase bien para las fiestas y que a todos le espera una buena año, una buena nueva, muchos más proyectos y felicidades. Hoy vamos a hablar de una artista española que se llama Pilar Albarracín. Más o menos me voy a presentar también una chica increíble que me acompaña hoy. Los proyectos podrían ver cómo se va dando todo eso. Muchísimas gracias a todos. Liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Oh, You say Arc-en-Ciel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí, porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing, vamos ver, vamos dançar, vamos dar comigo, vamos balançar. Afrique, séchez vos larmes. Mes belles femmes d'Afrique, séchez vos pleurs. Vous dont les enfants sont tombés pour notre liberté, le Seigneur va vous payer. Notre force est dans l'unité. Dites à mes frères et sœurs que notre force est dans l'unité. Dites à mes pères politiciens que sans unité ils ne sont rien. Dites à mes pères politiciens que sans unité leur lutte sera vaine. Séchez vos larmes, mes mères d'Afrique, séchez vos larmes. Mes belles femmes d'Afrique, séchez vos pleurs. Vous dont les enfants sont tombés pour notre liberté, le Seigneur va vous payer. Le génocide et les guerres fratricides, besoin d'un missile. Notre force est dans l'unité. Dites à mes frères et sœurs que notre force est dans l'unité. Dites à mes pères politiciens que sans unité ils ne sont rien. Dites à mes pères politiciens que sans unité leur lutte sera vaine. Mes mères d'Afrique, séchez vos larmes. Mes belles femmes d'Afrique, séchez vos pleurs. Vous dont les enfants sont tombés pour notre liberté, le Seigneur va vous payer. Be free now. Freedom is a must. Freedom is a must. Freedom is a must, boy. Freak like my friend the wee. Stand free. Free like the air that we breathe. Priceless, no fee. Stop your speech of hypocrisy. Let my people be. Just like the days of King Moses and Pharaoh, set my people free. Free, I was born free. Freedom, you just taught me. Free like the view. see. Free, we want to be. To be free right free now from misery. Ghana got to be free, I say. Jamaica free got to be free, oh. Liberia got to be free, free from misery.

It is death. Bet you back, it's the same old fight. They gon' eat you life to your front. I will fight the vision, but the vision is so clear. Feeding my soul with my sins. I'm choosing my life for the end. I think I'ma do it. Just myself in the sea. Sometimes I be dumb. I wish I walked more than run. And if I'm meant to be numb, at least I did what they come. She feel me good, she my son. She knows I ain't about mine. When everybody had a condescending picture of my psyche, it's all up and she knew it first. Batman, Batman, don't forgive me when I'm dead and gone. That's fine, that's fine. It ain't your fault now. It's mine, it's mine. I will fight the vision, but the vision is so clear. Fitting my soul with my sins. I'm choosing my life for the end. I'ma do it, just myself in the sea. I think I'ma do it, need no one. I think I'ma do it, just myself in the sea. I think I'ma do it, need no one. If I ever live, pretend I did. I'm still living, breathing in your leisure. I'm just waiting for you in the next one. Bye-bye, don't cry. I know you're more than strong. Can never change your tone. When you talk about your son, I love you so much, I'm so. Que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea, que yo vea I came in this game like a motherfucking rat. Like I was starving for things I never thought I could have. I give you all I got, now you talk me on my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you, and gave you all of my time. I taught you all I learned, then did you what I earned. Without me now, you ain't even a piece of shit, you turned. Huh. Yesterday we were brothers, so now we enemies. I understand I'm no longer, now make my time ain't free. Yesterday we were brothers, so now we enemies. I understand for your ego, yeah, you've been too great. Same level, struggle, sacrifices, pain. Hey, yo, ain't no questioning about who is the best. You better not test. I am God's be the guest. Yes. Wanna slash my dreams. I'm gonna be your worst nightmare. If you do, you don't distinguish what I'm saying. Many, many names in my text, but I swear this shit no fiction. I wrote these lines cause it relieved a big part of my pain. It would never be the same, nigga. I was still be yelling. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Understand I'm no longer, my man, my time ain't free. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Understand for sure. Baila, baila, que yo te sigo. Bésame. tardes a todos. Me voy a ver si podemos hacer una emisión, no una tanta emisión, pero algo con una chica increíble, una amiga mía. Pero vas a estar en francés, entonces vamos a ver si pasa. Bonjour. Bonjour, Léa. Bon, alors du coup, on parle de la tromperie aujourd'hui. C'est un sujet que, je pense, tout le monde soit a connu, soit a déjà fait. Je juge pas, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Chaque personne est libre de ses choix. Mais du coup, c'est un sujet hyper intriguant, je trouve, et on peut beaucoup développer. Déjà, est-ce que... Je te pose la question à toi. Est-ce que déjà, faut pardonner ou pas la tromperie, en fait? Ça dépend de tellement de choses. Comme ça, à brûle pour point, je pourrais pas te dire. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelles circonstances c'est fait? Je pense que ça nous arrive à tout âge, pardon. Et puis, je pense surtout qu'on a un point de vue et une vision des choses bien différente à tout âge. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne et de chaque situation. Genre, je me suis déjà dit que si, par exemple, tout se passe bien dans un couple et que du jour au lendemain, t'apprends que ton mec t'a trompé, bah, forcément, tu pètes un plomb. Tu te demandes, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me trompe? Et moi, je pense que si, en fait, tout se passe bien dans le couple et que ton mec te trompe, et tu lui en veux à mort, tu vois, tu comprends pas, tu te dis, mais je comprends pas, tout se passait bien, donc pourquoi tu vas voir ailleurs, pourquoi tu vas chercher une autre fille, en fait, parce que bah, je suis là et tout se passe bien. Ouais, après, il y a des personnalités, il y a des caractères qui font que malheureusement, c'est pas que c'est plus fort qu'eux, et je dis pas ça pour les défendre ou quoi, mais des fois, il y a des personnes qui sont vraiment attirées. Tout simplement, qui ont besoin d'aller voir si l'herbe est toujours verte ailleurs. C'est pas que c'est foncièrement des personnes méchantes, c'est que c'est des personnes qui sont, je pense, toujours dans le besoin d'être rassurées, qu'ils ont rencontré quelque chose de génial, et encore plus génial, mais attends, et ça s'arrête jamais. Alors je pense qu'effectivement, il faut peut-être aller consulter. Ouais, mais alors, du coup... Si tout va bien dans, on va dire dans ton couple, comme ça c'est plus facile. Si tout va bien dans ton couple, que tu trompes, tu lui ou elle te trompe la première fois, tu vois, et que tu te dis, ok, d'accord, au pire c'est le plaisir de la chair, un homme ça a forcément besoin, parce que beaucoup de femmes sont comme ça, se disent, oui mais un homme c'est différent d'une femme, forcément l'homme il a des besoins primaires que la femme n'a pas. Ça veut dire quoi, nous? Ça veut dire que nous les femmes on n'a pas du tout envie de faire l'amour à 24, on n'a pas du tout envie de passer un bon moment avec un homme ou une femme? Pas du tout. Je pense sincèrement que les gens qui pensent que non mais l'homme il a des besoins primaires que la femme n'a pas, c'est complètement ridicule, en fait. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais? Bah non. Tu penses que du coup, l'homme, il a des besoins en matière sexuelle que la femme, elle n'a pas? Ah bah oui. Ah ouais? Il y a des moments... Enfin, je pense que pour eux, c'est beaucoup plus facile et linéaire d'avoir ce besoin. Enfin, ils ont ce besoin en eux, alors que les femmes, elles vont être beaucoup plus en prise à plein d'autres choses qui vont être apparentées à un premier plan, un deuxième plan. Ils vont se dire, oh, attends, peut-être que... le moment intime qu'on va passer ou que je dois passer avec mon mari ou mon conjoint à ce moment-là, mmh. Il va être secondaire par rapport à ce que j'ai là en train de... par rapport à ce que je suis en train de faire. Je pense. Après, il y a aussi un truc aussi, je pense qu'on peut parler de ça, que nous, les femmes, on a des charges mentales beaucoup plus importantes. Je suis partie du côté des femmes qui sont genre, oh, on a que des charges mentales, non, mais vous ne comprenez pas. Nous, par exemple, nous, quand on est une femme... Avant, dans les vieilles époques, la femme, elle était obligée de faire à manger, de faire le ménage, de machin, de trucs et tout. Et nous, maintenant, on est là, et les hommes, des fois, ils sont un peu comme ça, ils se disent, ah oui, mais toi, t'es une femme, toi, tu dois forcément faire à manger, tu dois forcément faire le ménage, tu dois forcément aller chercher les gosses à l'école, tu dois forcément... Et c'est vrai que quand tu regardes, bah, un peu instinctivement, tu le fais. Tu vois, tu te dis, bah, ouais, comme ça, ils rentrent. Bah, ça dépend, il y a des choses qui peuvent être... Dès le début, être un gros sujet de communication et, ouais, et de ouais, débat. Non, et bien dire, sûr, écoute, bien sûr. Ben, c'est à peu près comme ça que je vois les choses. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah moi pareil. Ou l'autre, pas du tout. Je vais dire, écoute, moi je travaille jusqu'à 20h, j'aurais pas le temps d'aller chercher Patate Douce et Nina. Et donc, du coup, Parce qu'on a écouté un sketch de Maxime Gastreuil juste avant, et on l'a beaucoup, oui. Mais, enfin, tout ça pour dire que c'est, bon, je pense que dès le départ, c'est une base à avoir de communication. Et que ouais. Justement, tu dois pas te retrouver avec cette charge mentale au moment des faits. Parce que, et là, je te rejoins, je pense que du coup, la femme, elle se dit, waouh, c'est pas fait ça. Et ça non plus. Bon, bah, je vais le faire. Parce que sinon, ça sera pas fait. Et c'est là où elle est prise au piège par cette charge mentale. Ouverture des guillemets, fermeture des guillemets. Tu vois? Ouais. Ouais. Ouais, je sais, ouais, non, je sais pas. Franchement, pour moi, je trouve que nous, on a vraiment une pression de ouf. Genre, nous, on doit. Peut-être que tu te l'as assurer. Tu vois, on est une femme, mais on n'est pas qu'une femme. On est une femme, on est une mère de famille, on est. C'est vrai que toi, t'as 4 enfants, tu peux complètement en parler. Non, mais oui. Mais nous, on a plein de rôles que, lui, le mec, il a pas trop ça, tu vois. Il se dit, ah, moi, je ramène de l'argent. Toi, tu fais le reste, tu vois. Mais pas du tout. Mais pour beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Et pour beaucoup de femmes. Mais les choses, elles changent. On a une amie en commun, toi et moi, qui pense exactement comme ça, tu vois. Qui se dit, oui, mon homme, quand il rentre à la maison, non, mais elle est restée bloquée un siècle, voilà. Un siècle passé. Les femmes, on est indépendantes maintenant, d'accord. On fait plus. Dans le sens où, oui, enfin, t'as vraiment la possibilité aujourd'hui en tant que femme que de travailler. Et moi, je vais prendre mon expérience perso, mais moi, j'ai jamais eu de problème de salaire avec un tel ou un tel, que ça soit garçon ou fille. J'ai toujours été à peu près au même, enfin, j'ai toujours été au même niveau salarial que d'autres, enfin que les hommes, je veux dire. Mmh. Et j'ai pas connu ce côté ah non, mais les hommes ils gagnent plus que les femmes. Bah non, en fait. Je pense que dès le départ, il faut le dire, et si c'est pas entendable par ton patron, bah tu t'en vas et puis c'est tout. Donc bah tu vois, la personne qu'on connaît qu'on a en commun, elle est absolument persuadée du coup que quand son homme rentre du travail, il doit avoir une maison propre, il doit avoir à manger, parce que lui, il va se casser le cul, comme elle dit, au travail. Alors que bah non, en fait, enfin. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Bah, ça dépend. Il y a des gens pour qui cette situation, elle est tout à fait convenable et on peut rien leur dire. Si ça marche et que ça leur va, écoute. Ah ouais, mais quand même. Bah non, on peut pas imposer tout à tout le monde. Ouais, je sais pas. Il y a des cultures qui arrivent en France et qui disent, ah bah voilà, moi dans ma culture c'est comme ça, j'aimerais que tu reproduises ça. Et puis toi t'arrives avec ta culture française, peut-être plus indépendante, et tu dis, bah non, bah, ça va pas trop mal. De toute manière, comme tu l'as dit, c'est juste, tu parles et chacun fait des concessions et chacun fait des efforts et chacun, pour que tout se passe bien en fait. Parce que. Bah, je pense sinon, que si vous arrivez, de toute manière, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est même pas la peine. Mais bon, bref, revenons au premier sujet quand même. Si, imaginons. Ça y est, elle est repartie. Excusez-nous, hein, mais c'est vrai qu'on a une invitée ce soir. Non, mais il y a tellement de possibilités, tellement de femmes se demandent, genre, est-ce que c'est bien de pardonner la tromperie ou pas? Certaines femmes, elles vont dire, ah, t'as pardonné la tromperie, mais c'est n'importe quoi, mais t'es complètement folle, il va te retromper une fois, deux fois, 45 fois. Mais après, c'est chacun aussi son dû, tu vois. Bah, si toi, t'arrives à pardonner, si toi, t'arrives à vivre avec ça, et qu'après, tu lui fais confiance, bah. Libre à toi, en fait. Chacun son. Ouais, c'est chaud. Chacun son envie. La confiance à rattraper, elle doit être énorme. Le chemin à traverser pour rattraper cette confiance, ça doit être folle. Oh, moi, franchement, je pourrais pas. Moi, je pense que je serais complètement hystérique. Je fouillerais dans le téléphone après, je me dirais. Moi, je pense que les filles aussi, dès qu'ils rentrent, elles lui font un câlin pour sentir l'odeur. Oh, non. Comme ça. Plus d'odeur. Ça, je pense qu'elles deviennent des psychopathes après, tu vois. Elles ont peur un peu. Oui, enfin, normal. Franchement, je sais pas. Enfin, c'est tellement compliqué. Et puis après, imagine, t'as des enfants aussi. Si t'as des enfants. Et bah, c'est encore plus compliqué à prendre comme décision. Parce que tu brises pas seulement un couple, tu brises une famille. Du coup, si tu ne pardonnes pas et que tu décides de partir. C'est ça aussi. Ah oui, parce que t'as ton rôle de femme et t'as ton rôle de mère de famille. Est-ce que tu penses du coup à tous tes besoins à toi en tant que femme? Tu te dis, bah non, mais je me respecte. En fait, j'ai pas envie de rester avec un homme qui me trompe. Mais tu te dis, merde, il y a quand même un enfant au milieu. Enfin, j'ai pas envie que la famille soit déchirée. Est-ce qu'après mon enfant, il va pas me reprocher d'être partie parce que ça va, papa, il t'a trompé qu'une fois, c'est quand même pas si grave que ça. Ouais, ça dépend. Enfin, c'est compliqué aussi. Ouais. Tu vois, quand t'as 20 ans et que, bah, vas-y, ton copain, il te trompe, tu t'es là, tu souffres, tu te dis, bah, c'est bon, c'est fini. Mais quand t'as 33 ans et que t'as une vie de famille et que t'as un enfant au milieu, tu te dis, bah ouais, je pense en premier. Bien sûr, les responsabilités, elles sont. C'est énorme, en fait. Bah, bien sûr, mais on y pensera plus tard. Et on espère que ça nous arrivera pas. Heureusement qu'on n'a pas d'enfant pour l'instant. Mais non, mais en fait, c'est plein de questions à se poser. Et après, tu sais, je pense que tu remets en cause toute ta vie et tous les choix que t'as fait avant et tous les engagements que vous avez pris tous les deux, parce que c'est pas rien de se mettre ensemble, de construire une vie, d'avoir un enfant, d'avoir des projets en commun. Et du jour au lendemain, faut prendre une décision, soit faut remettre les choses en place tranquillement. Et ça, je pense que le plus dur, il est là, c'est de se dire, je vais prendre du recul par rapport à tout ce qui m'arrive et je vais essayer de regarder les choses d'un autre œil. Et à partir de ce moment-là, je pense que tu as pas mal de réponses. Et c'est compliqué de prendre du recul. Bah, surtout dans ces moments-là. Pour moi, pour quelqu'un comme moi qui suis très impulsive. T'es très fouet, gros, toi. Hein. Non, mais vraiment. Elle est solaire. Écoutez, quand on la voit comme ça, je vais faire un peu comme sur France Inter. Aujourd'hui, non, mais c'est compliqué. Une invitée. C'est compliqué. Tu sais, moi, je pense que ma première réaction, ça serait de tout envoyer bouler, de lui faire les plus gros reproches que j'ai pu garder au fond de moi, et après de me dire, ah, non, en fait, peut-être que j'y suis allée un peu fort. Tu sais, de regretter un peu, parce que l'impulsivité a parlé d'abord, et après je me dirais, ah, je suis peut-être allée un peu fort. Mais ça se construit avec l'âge. Enfin, je veux dire, tu réponds pas de la même façon à 20 ans, 4 ans, 40 ans. Ouais, c'est sûr que ça joue. On en reparlera à 30 ans et à 40 ans, Léa, si on a toujours des auditeurs. Mais on en reparlera et tu verras que t'auras pas du tout le même point de vue. Enfin, après, tous les sujets évoluent en fonction de ton âge. Oui. Enfin, tu sais très bien. Au départ, t'as 20 ans, tu veux pas d'enfant, tu commences à en avoir 23, tu te dis, ah, c'est vrai que pourquoi pas avoir un enfant quand même. Et après 28, bah, du coup, la question de l'enfant, elle devient assez importante. Je sais pas toi, mais autour de moi, les femmes commencent vraiment à se dire, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Non, ça va pas, c'est absolument pas nécessaire. Bah ouais, mais il y a un moment, c'est vital pour une femme, dans le sens où il y a un désir biologique qui peut être plus ou moins fort. Enfin, ça dépend comment tu le reçois. Que t'aimes les hommes ou les femmes, t'as parfois un désir qui est au-delà de tout ça, et tu te dis, mais c'est l'enfant avant tout. Moi, il y a un truc qui me fait très peur, c'est que je me dis, est-ce qu'une fois que t'as un enfant, tu n'es que mère de famille et tu n'es plus femme? Tu sais, t'es plus celle que t'étais avant. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui me fait peur. Je me dis, mais. Bah, t'essaies, puis tu le dis. Du coup, après, une fois que t'as un enfant, t'as d'autres responsabilités. Déjà, t'as créé un humain. Déjà, tu. Bon, c'est pas mal. On est quand même incroyable. On crée des êtres humains. Enfin, faut quand même se le dire. Nous, la femme, pendant 9 mois, on crée un être humain avec des mains, des orteils, des doigts. Enfin, c'est quand même fou. Mais ça, c'est la vie. C'est le processus qui fait que. Ouais, mais c'est quand même dingue. Ça fait longtemps que c'est travaillé. C'est pour ça que c'est aussi beau, d'ailleurs. Genre, moi, j'ai fait un petit humain, là, tu vois. Et ça, c'est sûr, c'est trop une question qui me travaille. Où je me dis, mais du coup, après, quand un enfant, tu sais, déjà au départ vous avez une vie à deux, maintenant vous avez une vie à trois, vous avez un rythme à deux, maintenant vous avez un rythme à trois. T'as essayé de prendre un chien avant comme ça? Mais c'est hyper, ça me fait hyper peur, tu vois, je me dis mais c'est atroce. Enfin, est-ce que du coup après tu te retrouves un peu quand même, ou tu t'oublies, tu sais, le temps que ton enfant il grandisse et il prenne ses marques dans cette nouvelle vie et ils deviennent un peu plus grands, tu vois. Bah, c'est à toi de voir comment tu démarres. Moi, c'est un truc où je me dis, mais ça se trouve, après, du jour au lendemain, tu t'oublies. Tu sais, tu fais plus de restaurant, tu fais plus, tu sors plus. Tu dis, non, je reste avec mon enfant. C'est impossible. Faut que mon enfant, il évolue. Mais il aura pas besoin de toi H24, si, mais il aura pas besoin de toi tout le temps. Il y aura forcément des moments où il dira, à ma mère, là, j'en peux plus. Faut que je sorte, tu vois. Non, mais puis, il y a tellement de, moi, je connais des mamans qui ont pris le choix de ne pas allaiter, parce que du coup, elles se sont dit, comme ça, si je n'allaite pas, eh ben, le père, il peut faire le biberon, vu que je ne suis pas là. Tu vois. Ah ouais, mais tu te prives d'un échange fou avec ton enfant. Ouais, je trouve. Moi, apparemment, ça a l'air d'être une connexion incroyable, ah tu bah vois. Oui. Mais enfin, je me dis, c'est quand même fou aussi d'avoir cette idée-là dans la tête, de dire, ah non, je vais pas allaiter. Comme ça, si j'ai besoin de m'en aller, bah, il y aura du lait à disposition dans le frigo. Il y a une machine qui s'appelle le tire-lait, hein. Vraiment, sur Amazon, oui. Tu peux en commander. On fait ça ce soir. Non, mais tu vois, c'est fou aussi. Je me dis, ça doit être une connexion incroyable. Bah oui, bah, c'est pour ça que dire, bon, bah, je laisse ça au père. Bon, chacun va miser ses portes. Non, mais puis surtout, à mon avis, tu peux pas décider. Tu sais, oui. Tu. Puis il y a des femmes qui, physiologiquement, ne peuvent pas produire de lait. Alors, c'est pas souvent, mais ça arrive. Donc, du coup, bah, elles sont bien obligées d'avoir recours aux produits industriels. Mais enfin, c'est tellement une question et un chamboulement de vie, de toute manière, que c'est. Ah, je sais. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'on vit au niveau économique, au niveau environnemental, la question se pose. Vraiment. Ah, c'est hyper compliqué. En fait, maintenant, on est dans un monde où ou soit tu... Non, vraiment, je pense à toi. Soit tu penses à toi-même et du coup tu décides de construire ta vie sans forcément penser aux conséquences derrière. Soit tu te dis, attends, le monde, il est un peu en train de partir un peu en sucette. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment qui sont graves. On parle de guerre, on parle de tsunami, on parle de réchauffement climatique. Est-ce que t'es prête à faire un enfant et à le mettre dans ce monde-là? C'est dur aussi à prendre comme décision. Je me rappelle, pendant le Covid, je voyais plein de femmes enceintes et je me suis dit, mais attendez, vous êtes pas au courant qu'il y a une maladie? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Ça a été aussi une pause dans la tête des gens pour dire, ok, on arrête tout et on se recentre. C'était ça aussi le Covid. On était tout seul des fois chez nous ou avec des parents ou des amis et on était bloqués. Enfin, bloqué, plus ou moins. Ça dépendait des gens qui respectaient les consignes, mais on était plus ou moins recentrés, en fait, sur nous. Il y avait que nous. Dehors, on voyait que la végétation reprenait le dessus peu à peu. Et en fait, le monde s'est arrêté. Tu sais, après, ce que je pense aussi, je pense qu'il y a certains couples aussi qui ont fait un bébé parce qu'ils s'ennuyaient. Ah oui. Ah, tu crois. Et ça, c'est atroce, par contre. Ça, j'avais pas pensé. Ça, vraiment, tu sais, un peu comme si c'était un autre bébé pansement. Tu sais, des fois, ça, quand ça va mal dans le couple, il se dit, attends, on va faire un enfant. Tu t'es... Et ben là, c'est pareil. Attends, on s'ennuie. On va faire un enfant. Ça peut arriver. Je suis sûre qu'il y a... Ou alors, les gens se sont posés les bonnes questions parce qu'ils avaient du temps. Ouais. Mais ça peut être aussi être ça. Donc, si. Donc, moi, je sais pas si... Je sais pas, en fait, quelle position prendre. Je me dis, est-ce qu'il faut être égoïste et penser à soi et à sa vie et se dire, en fait, j'ai envie d'un enfant. Je veux être mère et je veux que mon compagne ou ma compagne connaisse aussi ça. Et du coup, je me dis franchement, est-ce que vraiment je le fais? Ou est-ce que du coup je pense au monde et à l'environnement extérieur et je me dis non en fait, c'est pas le bon moment. Mais est-ce que du coup il y aura un bon moment ou pas? Peut-être pas. C'est vachement compliqué. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se posent des telles questions? Je pense aussi qu'il y en a, qui se posent beaucoup moins de questions que toi. Je suis sûre et certain. Il y en a qui se disent, j'arrive à 30 ans, faudrait peut-être mettre tout ça en marche. Et puis, il y en a d'autres qui se posent 1000 questions, il y en a d'autres... Non, franchement, je pense que les questions, elles sont propres à chacun. Et tu peux pas, à part toi, ton propre jugement, tu peux pas imposer rien à personne. Après, mais il y a le jugement aussi. Ah non, on s'en fiche du jugement. Mais ça existe tellement. Ça n'existe pas, mais non. Tellement, il y en a, ils vont te dire, mais t'as fait un enfant, mais tu te rends pas compte dans quel monde il va vivre. Oui, ça, c'est pas des personnes à fréquenter. Enfin, si tu veux, c'est tes amis, ils vont te dire, bravo, maintenant t'as des jumeaux, et puis t'en as deux. T'as deux fois de jumeaux, et t'as. Non, ça, chacun vit comme il peut, avec ses capacités, avec sa conscience des choses, et oui, c'est vrai qu'on est beaucoup sur Terre, mais après, on va pas empêcher les gens de faire des enfants. C'est la question, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez 4 heures. Mais on est dans un monde maintenant où, quoi que tu fasses, de toute manière, t'es jugé, en fait. Que ce soit positivement ou négativement. Ouais, mais tu peux aussi te dire, écoute, tes jugements, ils sont gentils, mais je vais pas forcément les garder. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais quand même, genre vraiment. Je pense que pour certaines personnes, c'est dur aussi le regard des autres, tu sais. Ils vivent pas pour eux, ils vivent pour les autres. Ils se disent, mais si je fais ça, si je décide de faire un enfant, peut-être après on va me dire, mais je te rends pas compte. Il y a des personnes comme ça. C'est des personnes-là, il faut pas les écouter. Non, il faut pas les écouter. Surtout pas en avoir dans son entourage. Non, mais vraiment. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont impactés par la vie des autres? Enfin, c'est ta vie. Si demain t'as envie de faire 46 enfants, tu fais 46 enfants. Si t'as pas envie d'en faire du tout, t'en fais pas. Certaines personnes aussi vont dire, quoi, mais ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, vous avez toujours pas fait d'enfant. Non. Oui, mais ça suffit. Après, des fois, la vie à deux, ça suffit, hein. Franchement, suffit. Deux, c'est très bien. Déjà, c'est compliqué, des fois, de se gérer. C'est compliqué d'être deux. C'est bien. Les gens, ils mettent 20 ans aussi. Les gens, ils mettent 20 ans à comprendre le fonctionnement de leur couple et d'eux-mêmes. Alors, t'imagines un enfant? C'est compliqué. La vie à deux, c'est compliqué. Ça, tu ne nous le fais pas dire. On va pas oublier qu'on est sur Radio Arc-en-Ciel. On va pas oublier que j'avais pour projet de présenter une artiste espagnole. Léa, est-ce que tu veux... Oh là là, moi l'espagnol. Non, tu veux pas? Ça aurait été chouette. Non. Une fille solaire comme toi. Non, non, mais il n'y a pas des auditeurs russes, je peux essayer de parler en russe. Ah, j'en ai pas d'auditeurs russes. Écoutez, on fait un appel ce soir aux auditeurs russes. Si jeudi prochain, vous pourriez vous connecter, on pourrait peut-être s'appeler. Hein. Qui sait? Je pourrais parler en russe. Ah, ça serait chouette. En attendant, on va se mettre un petit son de Selena Gomez qui dit single soon. À bientôt. Of his coat, yeah. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear, and the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news, but I'll. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. I know there'll be a mess when I break the news, but I'll be single soon, I'll be single soon. I'm gonna take what I want, stay like if I want, I'm gonna do what I want to do. I'm picking out this dress, trying on these shoes, 'cause I'll be single soon, I'll be single soon. Je sais pas. Salut, tu viens d'avoir ton permis ? filles qui viennent et attendent dans ton bain, ton bain. Ouais, et tous les gens qui parlent et parlent, c'est des fous charmeurs, charmeurs. Ouais, et tous les soirs tu rêves de lui pendant qu'il dort, dort. Ouais, la vie est faite pour ceux qui vivent, respirent sans cœur. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, joue passager, tu verras. Ce sera sans moi. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, joue passager, tu verras. Primeira escolha musical do professor Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve para esta conversa aqui, mesa dois, The Clash Up in Heaven, Not Only Here, é um subtítulo deste tema. Já lá iremos às outras escolhas. Professor, como é que se faz então este seu percurso? Já há pouco falámos naquela parte inicial da formação em Economia na Universidade Nova de Lisboa, depois Técnica na Universidade Técnica, a gestão, aqueles primeiros momentos aqui com o Instituto Politécnico de Faro, mas há aí depois um acompanhamento, contou-nos aqueles primeiros momentos, há um acompanhamento que eu suponho que vem até hoje da Escola de Hotelaria e Turismo, não é? Não, vamos lá ver, a Escola Superior de Hotelaria e Turismo é a do Instituto Politécnico de Faro. Existe Sim. também, aqui em Faro, a Escola de Hotelaria e Turismo da Rede do Turismo de Portugal. Sim, eu exatamente. Eu nunca estive ligado a essa escola. Está na escola que é mais de ensino profissional. Sim. E, dizia há pouco, foi-me incumbido em 88, 89, que desenvolvesse ou apresentasse as propostas para iniciarmos a formação em gestão hoteleira e em turismo. E, portanto, eu estive ligado ao desenvolvimento curricular na altura do primeiro bacharelato em gestão hoteleira e do primeiro bacharelato em turismo, que iniciámos aqui em Faro em 1992, ali na Penha, e são cursos que ainda hoje se mantêm. O que é que isso me obrigou? Obrigou-me que eu não tinha uma experiência prévia, obrigou-me depois também a sair, obviamente com as competências que trazia, não podia ser diferente daquilo que, ou seja, eu não podia ignorar aquilo que era, mas tinha que, num olhar